بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les coursiers haletants. فالموريات قدحا. Faisant jaillir des étincelles en galopant. فالمغيرات صبحا. Qui attaque au petit jour. فأثرن به نقعا. Et font voler la poussière sous leurs sabots. فوسطن به جمعا. Puis perce au milieu des rangs ennemis. إن الإنسان لربه لكنود. L'homme est en vérité bien ingrat envers son Seigneur. وإنه على ذلك لشهيد. Il en est d'ailleurs lui-même témoin. وإنه لحب الخير لشديد. Et certes, il porte au bien terrestre un amour très intense. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Ne sait-il donc pas que lorsque sera dispersé ce qu'il y a dans les tombes? وحصل ما في الصدور. Et que sera révélé ce que cachent les cœurs. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ce jour-là, leur Seigneur sera à leur sujet parfaitement informé.